Viens balancer ta haine et viens annoncer tes peines. Un Babylone massacre, un Babylone carnage, carnage, carnage, carnage, carnage. Viens balancer ta haine et viens annoncer tes peines. Mon rap repart en guerre. Un Babylone massacre, un Babylone carnage. Contre le Babylone système. Mon rap repart en guerre contre les chars de politique. Les rangées d'hélicoptères nous balancent des missiles. On se bat avec nos plumes, la justice, nos pensées. C'est le soldat de Babylone qui vient ensemencer une triste armée de l'ombre sous la bannière tricolore. Les médias qui nous bombardent et viennent compter nos morts. Pas de fusil à l'épaule, de la poésie en main. Je ne vois pas dans le futur mais connais le destin. Celui des miens qui te combattent, celui des tiens qui nous arnaquent. Celui d'un simple pacifiste qui se mange une matraque. Pas le choix car on avait le drapeau blanc. Vous avez quel le messager sur le blanc versé du sang. Vous avez inventé le vote, être sûr qu'on vous élise. Faire passer une dictature en démocratie d'église. Vous apprenez à nos enfants les mensonges de l'histoire. Des sionistes persécutés mais pas sur l'esclavage des noirs. Vos lois et vos armées n'enlèvent pas nos idéaux. C'est la guerre d'indépendance, tout ça pour nos cerveaux. Vous nous parlez de justice et plus d'égalité. C'est votre hôpital qui va se moquer de notre charité. Maintenant c'est mort, nos soldats sont dans la peine. Plus dans la paix en part, mais juste dans la haine. Mon rap repart en guerre contre Babylone système. C'est la bannière de la mort qui va enfin son règne. Mon rap ne tuera pas, mais des soldats vont s'engager. C'est le service militaire en paix pour nos pensées. Mon rap repart en guerre contre ton bise et tes recettes. Si j'en ai l'occasion, je te découperai la tête. Parce qu'il paraît que c'est la tue qui te rend ouf. Qui te rend ours, on est le miel et tu nous courses. Parce qu'il paraît qu'elle s'opposait à toi et d'art. Sors les remparts, mon rap vient pour changer le cours de l'histoire. Parce qu'il paraît que ma prose est un mensonge. De la propagande qui va te prendre pour une éponge. Va vérifier mes dires si tu crois que je fais peur. Si tu vois notre salut dans les paroles d'empereur. Le rap repart en guerre contre M16 de Babylone. Notre penseur, ceux qui fait de nous des hommes. Pas de plus dans la tête ni de propagande dans le front. Ceux qui fait de nous des hommes malgré ce qu'ils nous font. Le peuple est petit feu. Et ça dès le départ. Et ça dès le départ. Et ça dès le départ. Faire rêver la population au faire de nous part. Faire rêver la population. Tu ne vois pas qu'ils manipulent depuis l'enfance. Manipuler les médias pour faire croire à tous les gens qu'on les offense. Qu'on les offense. Qu'on les offense. Qu'on les offense. Ces temps-ci ça devient rare de l'amour dans les sons. Ça devient sale et d'art, juste du hard en chanson. Même sans son, la violence ne connaît pas la couleur. La haine n'a pas d'odeur, la sagesse est en panne de cœur. En panne de mort et la raison, et ça en chaque saison. La paix est utopique et son rêve est une illusion. Un texte d'amour pour changer, chanter la vie. Danser la paix même si le corps est inchangé. Ce n'est pas le genre de prose qui bâtit une carrière. Il préfère un son violent pour passer pour gangster. Je suis apprenné la hier, pris pour les croyants et les athées. Combattez la bonne parole, apprendre et l'appliquer. L'homme s'entremêle, nos vies sont parsemées de haine. Colère à la paix, les ducs, dégoût à la chaîne. De la paix en chanson, chantée même sans le son. A cappella dans la rue pour une piste rébellion. Un peu de paix dans la prose, un peu de paix dans le micro. Un peu de paix dans le son, un peu de paix dans le flow. Un peu de paix, ta blague un tirasta. Pour les pisses et les hippies, les pacifistes et les gandhis, les loves et les babas. Un peu de paix dans la prose, un peu de paix dans le micro. Un peu de paix dans le son, un peu de paix dans le flow. Un peu de paix, ta blague un tirasta. Pour les pisses et les hippies, les pacifistes et les gandhis, les loves et les babas. Un peu de paix dans la prose, un peu de paix dans le micro. Un peu de paix dans le son, un peu de paix dans le flow. Un peu de paix, ta blague un tirasta. Pour les pisses et les hippies, les pacifistes et les gandhis, les loves et les babas. Un peu de paix dans la prose, un peu de paix dans le micro. Un peu de paix dans le son, un peu de paix dans le flow. Un peu de paix, ta blague un tirasta. Pour les pisses et les hippies, les pacifistes et les gandhis, les loves et les babas. Un peu de paix dans la prose, un peu de paix dans le micro. Ta blague un tirasta. Pour les pisses et les hippies, les pacifistes et les gandhis, les loves et les babas. Ta blague un tirasta. Pour les pisses et les hippies, les pacifistes et les gandhis, les loves et les babas.